France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'été 1986, sur France Culture, il fut souvent question de Bordeaux et de l'opérette et de ses musiciens, ou parfois même d'un seul. Mais musiciens nombreux ou musiciens solitaires, l'opérette c'est... L'opérette c'est la fête, par Jacques Rouchouz. Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. Un anniversaire exceptionnel aujourd'hui, celui du dernier musicien français de la grande école. C'est un enfant de Bordeaux, un grand enfant de Bordeaux. Il vient d'avoir 85 ans, mais comme il le dit lui-même, 4 fois 20 ans plus 5 ans, c'est le merveilleux Henri Sauguet. Sauguet, voilà le thème des forains, qui est connu du monde entier, mais on connaît peut-être un peu moins votre rapport à la musique bouffe. Et votre première pièce lyrique a été Le Plumet du Colonel, justement, un opéra bouffe, et vous aviez 23 ans, et c'était à quelle occasion? Écoutez, c'est tout à fait... Je venais à peine d'arriver à Paris. Je suis bordelais, vous savez, et je venais d'arriver à Paris pour rejoindre ce mouvement musical qui était à ce moment-là formé par le groupe des Six, Satie et tout, tout ce qu'il y avait à ce moment-là de nouveau dans l'esprit de la musique, comme de la littérature, comme de la peinture. J'avais donc 23 ans et j'avais en esprit un opéra comique, un opéra bouffe. Je voulais faire un opéra bouffe militaire. Et pourtant, les militaires, c'était la guerre. Mais pour moi, les militaires, c'était pas la guerre. C'était les revues du 14 juillet, c'était les piou-piou, c'était... Et puis en plus de ça, il y avait eu auparavant les mariés de la Tour Eiffel, qui avaient mis en honneur l'époque 1900, qui est l'époque de ma naissance, puis je suis né en 1901. Oui. Alors j'étais tout imprégné de toutes ces choses-là, et j'avais dans cet esprit commencé à écrire un livret d'abord, c'est le livret, c'est moi qui l'ai fait, une histoire... L'histoire du Plumet du Colonel, c'est le titre qui m'a donné le thème de mon récit. Ouais. C'est une histoire du colonel, un peu genre le colonel Ronchonneau, dont on racontait les histoires à cette époque. Et puis enfin, j'ai inventé tout ça, j'ai écrit la musique. J'étais évidemment très lié avec Misiot, Vienner, Desormières, et qui avait eu la connaissance d'une dame, Madame Bérisa, dont le désir était de renouveler les mises en scène de l'opéra et de l'opéra comique. Elle trouvait qu'il répondait à des idées sclérosées, qu'on tournait autour de choses qui étaient un peu périmées. Elle voulait renouveler la mise en scène du théâtre lyrique, comme l'avait fait pour le théâtre Parlé, Jouvet, Dulin, oui. Bâti, les Pitoyens, etc. Alors elle avait eu l'idée de créer un spectacle. Et elle cherchait des œuvres. Parmi ces œuvres, il y en eut une qui lui fut tout de suite recommandée. C'était l'histoire du soldat de Stravinsky, qui n'avait jamais été joué en France encore, qui venait d'être créé en Suisse par Ansermé, Ramuse et Stravinsky, et dont les Français ne connaissaient rien, mais Stravinsky était fort connu à cette époque-là, parce qu'un peu avant la guerre, il avait fait jouer le Sacre du Printemps, qui avait fait un grand bruit dans la musique, et qui avait mis le nom de Stravinsky très en évidence. Mmh. Donc, elle mit à son programme l'histoire du soldat, mais cela ne suffisait pas pour faire un spectacle. Et mes amis, qui avaient été très, très amusés par l'idée de Mon plumet du colonel, cette œuvre que j'étais en train d'écrire, lui dire, mais vous devriez monter le plume du colonel de Sauguet, qui est-ce, je ne le connais pas, en effet, j'étais absolument inconnu, j'étais un garçon de 22, 23 ans, et je venais à peine d'entrer dans Paris. C'était une chance pour moi que d'être créé de cette façon-là, d'autant plus que cette création devait avoir lieu au Théâtre des Champs-Élysées. Oui. Enfin, la chose se fit. J'avais à peine terminé ma partition, qu'elle était déjà en répétition. Madame Berza jouait le rôle principal de ma soprano, j'avais un ténor, j'avais un baryton qui était le colonel, j'avais une basse qui était l'ami du colonel, qui était en fait toute une histoire, le peuple du colonel, vous savez. Et tout à fait extraordinaire, en 1924, alors que je venais à peine, je n'avais pas encore 23 ans, j'ai été joué pour la première fois à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées, le soir où l'on créait l'histoire du soldat de Stravinsky, illustre compositeur. Et c'est à cette occasion qu'il vous a dit, Stravinsky, 22 ans, c'est bien, ne vous cherchez pas, vous vous êtes trouvé, c'est ça? Oui, c'est là. Il y avait deux personnes, entre autres, qui assistaient à ce spectacle. Il y avait bien entendu tous les gens que l'on pouvait avoir à ce moment-là. Il y avait plus que deux personnes. Mais quand même. Il y avait Satie et Stravinsky. Or, Satie me dit, mais vous avez beaucoup de verve, bravo, vous vous êtes trouvé, vous avez de la chance, mais restez fidèle à vous-même. Mais quant à Stravinsky, il m'a dit, oh, vous vous êtes trouvé, bien bon, c'est un grand bienfait, mais travaillez beaucoup. En effet, j'avais besoin de beaucoup travailler, car très inconsciemment, ma partition d'orchestre, le matériel, je ne l'avais pas revu, ce qui fait que la répétition avait été remplie de fautes, j'avais dû remettre tout en chantier, ça avait été toute une histoire, et depuis, je me suis bien promis de ne plus jamais recommencer une histoire pareille et de mettre très en ordre mes matériels d'orchestre, ce que j'ai fait. Est-ce à dire que cette musique drôle correspondait à votre caractère et à votre personnalité profonde? Ah ben, évidemment, je suis assez drôle d'esprit et j'aime les choses qui font rire. Mais l'opérette, c'est autre chose. C'est ce que j'ai connu le mieux à Bordeaux. Il n'y avait pas le théâtre, le grand théâtre n'existait plus. Il avait brûlé, puis il avait été fermé pendant la guerre. Mais il y avait un théâtre français, qui était un autre théâtre de Bordeaux, des saisons d'opérette que je connaissais bien. Mmh. Alors je connaissais le répertoire d'opérette, que ce soit celui de Offenbach, de Planquette, de Lecoq, etc. Et cette musique me plaisait beaucoup. J'avais envie d'écrire quelque chose qui soit dans cet esprit-là, mais à ma manière, avec mon langage, avec mes idées. Et puis, vous savez, on sortait de la guerre, on sortait de cette époque qui était vraiment assez terrible, parce que j'ai vu mon père mobilisé, maman pleurer longuement, le départ de mon père. Nous étions tous deux, mon frère et moi, seuls avec maman. Enfin, nous avions passé 3 années assez épouvantables. Nous avions envie de rire, de nous amuser, de prendre la vie de notre côté. Et quand cette idée du plumet du colonel m'était déjà venue en classe, c'était une chose que j'avais en moi-même et que j'ai porté avec des personnages que j'ai inventés. Il y avait le colonel Tonnerre de la Plumetterie Clinquant, le général Lamogé Montcellerie Barbazou. Et enfin, c'était des personnages dont je, avec mes amis, nous avions inventé le général de Guerlas qui signait les armistices. Enfin, c'était des personnages, toute la fantaisie. Et c'était pour moi une manière, mais la musique que j'ai écrite n'est pourtant pas une musique comique. J'ai écrit très sérieusement une musique que j'ai voulu être cocasse et drôle. Et parce qu'il y avait à ce moment-là la cocasserie, la poésie du cocasse que Max Jacob avait mis en évidence et que Poulenc, Auric, Millau avaient traité même musicalement. Enfin, il y avait aussi l'opérette de Roland Manuel avec Max Jacob, Isabelle et Pantalon. Enfin, tout ceci était une. Il y avait une atmosphère qui était propice à la création d'une opérette. Mais l'opérette est pour moi une chose très importante, car j'ai vécu de cette musique d'opérette. Et voyez-vous, je parlais de Max Jacob. Max Jacob était un puits de science sur la musique d'opérette. Il connaissait toutes les opérettes de Feldbach et beaucoup d'autres encore. Mmh. Et tout en travaillant ses gouaches ou en écrivant ses poèmes, il chantait. Ah bon ? Et les poèmes même qu'il a mis, les poèmes qui sont sans musique, il les chantait en les écrivant. Et ces poèmes ont un rythme qui s'apparente à beaucoup de refrains ou de Feldbach ou de Lecoq ou de Chabrier. Ou autre. Enfin, vous savez, ce n'est pas une question de mode, c'est une question d'esprit. Voilà, j'allais vous dire, à l'époque, vous aviez décrit le Plumelet du colonel comme un vaudeville féerique surgi de l'enfance. Voilà. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que pour aimer l'opérette, il faut avoir gardé une âme d'enfant ? Je l'ai gardée toute ma vie. Oui. Je disais toujours, je crois que je mourrai jeune. J'ai 85 ans et je crois que je pourrais dire encore que je mourrai jeune. Car si j'ai 4 fois 20 ans plus 5 ans, j'ai tout de même à peine 20 ans. Après le Plumet, vous avez composé un autre opéra bouffe, la contrebasse. Cette fois-ci, c'est avec Henri Tourrien. J'ai fait ça pour Baliev, qui avait un cabaret de russe et qui voulait que ce cabaret devienne une sorte de vrai spectacle. Et il me commanda cette opérette, cet opéra bouffe, sur un thème de Tchaïkov, qui est la contrebasse, et demanda à un de ses cousins, qui avait 18 ans, qui faisait des scénettes pour le lycée où il était encore élève, et qui était Henri Troyat. Et c'est Henri Troyat qui avait un pseudonyme à ce moment-là, et qui écrivit ce sujet et le livret. J'ai fait cette opérette avec beaucoup de plaisir, qui était la contrebasse, qui a été créée par Baliev. Ça n'a pas eu un grand succès. Ça a même assez mal marché, parce que Baliev était connu pour faire des sketchs à la russe, et cet opéra comique qui était créé à l'Hôtel de la Madeleine, avec des décors de Renkov, une mise en scène du commissaire Chevski, n'a pas eu de succès. Le sujet n'avait pas plu. Voilà. Ça a été repris après, on l'a rejoué à Marseille, on l'a rejoué en Amérique, on l'a rejoué à Paris aussi après. Et c'est une des œuvres de moi que j'aime bien parce que je l'écris très vite et très, très agréablement. Mais toujours dans cet esprit de liberté, de fantaisie que donne l'opérette à celui qui veut en écrire. Isabelle, belle, belle, belle, plein de zèle, zèle, zèle, zèle, me voici à vos genoux, oh, quand on m'écouterez-vous. Isabelle, belle, belle, belle, plein de zèle, me voici à vos genoux. Ah, quand on m'écouterez-vous. Vous savez combien m'enchaîne la tendresse de votre regard. Nuit et jour, votre chère image, devant mes yeux, force mon esprit à ne penser qu'à vous. Isabelle, belle, belle, belle, plein de zèle, zèle, zèle, zèle, me voici à vos genoux. Ah, quand on m'écouterez-vous, pour Dieu, Isabelle, sortez de votre réserve et laissez-vous convaincre par l'étendue de mon amour. Oh, Isabelle, je vous aime. Je vous abandonne, ma bonne belle officier, qui avait su me séduire. N'ayez aucune crainte, nous prendrons nos précautions pour que personne ne se doute de notre amour. De notre amour. Isabelle, je vous aime. Gaëtan. Je vous aime et cet amour. Je vous aime et cet amour. Belle, belle, belle, belle, je vous aime. chez moi vous serez. Eh bien, je crois de ne pas pouvoir m'échapper d'ici où le colonel m'enferme. Je vous attendrai tout de même. Le ciel est propice aux amants. Et je vous dis en m'en allant, à tout à l'heure, Isabelle. Après, vous êtes venu à des choses quand même plus sérieuses. Alors, est-ce à dire que la maturité vous, vous rendait plus sage ? Je ne sais pas. J'ai écrit un très grand opéra en 4 actes et 10 tableaux sur la Chartreuse de Parme de Stendhal. Le livret m'en avait été fourni par Armand Lunel, qui était un ami de Darius Milhaud, que j'avais rencontré à Monaco quand j'ai fait jouer mon ballet La Chatte pour Serge Diaghilev. Et c'est Lunel qui me dit, j'ai un livret pour vous, si vous voulez faire un opéra. Et j'ai mis 10 ans à écrire la musique de cet opéra. C'est-à-dire que ces 10 ans, j'ai commencé cet opéra avec la fantaisie, la spontanéité d'un jeune homme. Et puis peu à peu, les mouvements sont venus, les contrariétés, les émois du cœur. Enfin, j'ai continué à écrire cette musique avec ma vie, en connaissant davantage les... Vous savez, je suis passé de 20 ans à 30 ans. C'est beaucoup, c'est un grand passage. Eh bien, cette musique témoigne de ce passage-là. Je n'ai pas cherché à me mettre en musique. Je ne suis pas un romantique. Et ma musique, et c'est une chose que je fais en dehors de ma vie même. Mais cependant, elle reflète ma vie. Voilà. Elle ne peut pas le faire. Pour revenir à l'opérette, avant la création du Plumet du Colonel, vous aviez vu d'autres créations à Paris ? Par exemple, vous auriez pu voir Fifi en 18. J'ai vu Fifi pour la première fois à Marseille. Vous savez, Fifi était c'était un immense succès. On disait, on voyait un monsieur très triste et on disait dans les affiches, on disait, monsieur n'a pas vu Fifi. C'était donc c'était l'opérette à la mode. Oui, oui. Les opérettes de Maurice Yvain aussi, et les opérettes de Castinet. Je connaissais cela, je les avais entendues, je les avais vues. Néanmoins, ma musique ne s'apparente pas à ce style musical. C'est ce que je voulais vous demander. Mon style musical est resté très personnel. Et je dirais même, c'est même assez extraordinaire quand je réentends aujourd'hui, à 60 ans passés de distance, cette musique du Plumet du Colonel. Je la reconnais bien, c'est bien la mienne, c'est bien ma musique. J'ai évolué, mon langage s'est fait plus ferme, plus vigoureux. Je vais vers des harmonies plus recherchées. Néanmoins, cette musique-là, c'est bien la mienne, c'est bien celle que je voulais écrire et qui était cependant, en effet, le reflet de mon enfance parce que je suis resté toujours très près de mon enfance, à tel point qu'à l'âge de 80 ans, j'ai écrit un opéra pour enfants, Titsou les pouces verts, sur un texte qui m'a été fourni par... Tardieu, non ? Non, c'est Tardieu, Jean-Louis Tardieu, et d'après le roman de Druon, n'est-ce pas, qui est Titsou les pouces verts, qui est très célèbre, le conte pour enfants. Henri Sauguet, on a parlé d'opérette un petit moment, mais que pensez-vous de l'évolution musicale actuellement ? Oh, l'évolution musicale, vous savez, je suis à un âge où on me dit, j'ai tout vu et je vois le contraire de tout. Eh bien, j'attends le moment, vous savez, tous ces jeunes loups qui ont flanqué toute autre musique à l'air sont revenus vers nous. Ils ont rejoint le camp des vieillards. Et j'attends, avant de mourir, le moment où je verrai Pierre Boulez diriger les cloches de Corneville. L'opérette C'est la fête par Jacques Rouchouze, réalisation Nathalie Trianda, première diffusion sur France Culture le 13 août 1986.